الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد, nous continuons l'explication du livre لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد, un livre de l'imam ibn Qudam al-Maqdisi, une explication du Cheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan, qu'Allah le préserve. La semaine dernière, on avait cité le hadith de Hussein lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé combien de divinités il adorait. Il a répondu 6 sur terre et une dans les cieux. Et ensuite le professeur Asim l'a exhorté à ce qu'il délaisse les 6 divinités qu'il adorait dans cette vie d'ici-bas et de consacrer son adoration à celui qui était aux cieux. On a vu entre autres que ce hadith était jugé faible par Cheikh l'Albani rahimahullah ta'ala dans Da'if Tirmidhi et également dans Riyad al-Salihin, car c'est un hadith qui est présent dans le livre Riyad al-Salihin, le jardin vertueux de l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala. Et apparemment Cheikh Fawzan ne considère pas ce hadith comme faible, c'est pour cela qu'il l'a expliqué de façon précise. طيب, on s'était arrêté à la fin de l'explication de ce hadith. ثم قال المؤلف وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. في الأوتور تتجير الإمام ابن قدام المقدسي أدي et dans ce qu'il a été rapporté dans les signes du prophète صلى الله عليه وسلم et de ses compagnons dans les livres révélés précédemment, dans les livres révélés avant, c'est-à-dire dans l'Évangile et la Torah, c'est-à-dire que parmi les signes du prophète et de ses compagnons, c'est qu'ils se prosterneront sur terre et prétendront que leur Seigneur est au-dessus des cieux. قال الشيخ الفوزان هذا الأثر من الإسرائيليات فيه وصف هذه الأمة بأنهم يسجدون في الأرض ويزعمون أن إلههم في السماء, ففيه أن عقيدة هذه الأمة إثبات العلو وأن الله عز وجل في السماء, وهذا من الإسرائيليات التي نحن في غنى عنها بكتاب ربنا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم, ولكن لعل المؤلف ذكره من باب الاستئناس فقط, وأنه أثبت ما تدل عليه الأدلة الصحيحة من أن الله في السماء. Et Cheikh Fawzan dit ceci est un texte qui fait partie de l'Israéliyat. Qu'est-ce que l'Israéliyat? C'est les paroles rapportées par l'Israéliyat, par Banu Israël, par les fils d'Israël. Et le prophète sallam a dit Hadithu an Bani Israël wala haraj. Parlez et dites ce que vous savez des fils d'Israël et point de mal. Wala haraj. Wala haraj. Et ceci, bien sûr, à condition que cela ne vienne pas contredire les hadiths et les versets du Coran. Les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les versets du Coran. Donc, le Cheikh Fawzan dit ceci fait partie, ou ce texte fait partie de l'Israéliyat. Et il y a été décrit, ou cette communauté a été décrite comme se prosternant sur terre et prétendre que leur Seigneur ou que leur divinité est au-dessus des cieux. Il y a ici une preuve que la croyance de cette communauté est d'attester de l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux. Et ceci, c'est-à-dire cette parole qu'a rapportée à l'imam ibn Qudam, hein, fait partie de l'Israéliyat, c'est-à-dire des informations des fils d'Israël dont nous pouvons nous passer car nous avons ce qui, dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallam, ce qui nous suffit. Mais l'auteur a cité cela pour apporter des paroles pour soutenir et pour également car ceci a été soutenu dans les preuves authentiques qu'il a citées auparavant, à savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ما بين سماء إلى السماء مسيرة كذا وكذا إنما بين السماء إنما بين السماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا وكذا الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث العباس ابن عبد المطلب الإمام ابن قدامة المقدسي دي أبو داود rapporte dans ses sunan que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il y a entre un ciel et un ciel la distance de temps et de temps et il a cité le hadith jusqu'à la parole et au-dessus de tout cela il y a le trône et Allah est au-dessus de cela. Hadith apporté par Ahmed dans son Musnad, Abu Dawud al-Tirmidhi ibn Majah, selon Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, qui est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et non pas Ibn Abbas qui lui est son cousin. Ce hadith aussi est faible. Le Cheikh Lebani, rahimahullah, da'afahu dans beaucoup de ses livres. Ne considère pas ce hadith authentique. قال الشيخ فوزان هذا الحديث مر في آخر كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب وهو حديث العباس بن عبد المطلب وغيره من الأحاديث التي فيها ذكر المسافة التي بين السماء والأرض وأنها 500 عام وذكر ما بين كل سماء وسماء وأن ذلك 500 عام وأن كثف كل سماء 500 عام وأن فوق السماوات بحر ما بين أسفله وأعلاه 500 عام وأن فوق ذلك الكرسي وفوق الكرسي عرش الرحمن وأن الله فوق العرش فهذا فيه إثبات علو الله جل وعلا فوق مخلوقاته جميعا وأنه مستو على العرش الذي هو أعظم المخلوقات وأعلى المخلوقات ففيه إثبات العلو وإثبات الاستواء لله عز وجل وفيه عظمة هذه المخلوقات وهذه الكائنات وبيان سعتها وما بينها من المسافات العظيمة والشاهد منه إثبات العلو لله إثبات العلو لله فوق مخلوقاته وأنه مستو على عرشه سبحانه وتعالى كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة. Donc, Cheikh Fawzan dit, ce hadith a été rapporté dans la fin du livre du Tawhid, le livre du Tawhid du Cheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah ta'ala. C'est le hadith d'Abdullah ibn, le hadith de l'Abbas ibn Abd al-Muttalib et d'autres hadiths dans lesquels il y a été décrit la distance qu'il y a entre les cieux et la terre et que cette distance est de 500 années. وذكر, il a été cité également dans ce hadith que ce qu'il y a, la distance qui sépare chaque cieux est de 500 ans. وأن كثف كل سماء 500 عام. Ma معنى كثف? Non. Bah, entre, il a déjà dit avant. وذكر ما بين كل سماء وسماء وأن ذلك 500 عام. وأن كثف كل سماء. L'épaisseur, non. Et l'épaisseur de chaque cieux et de 500 années et au-dessus de ces cieux il y a un océan entre la partie basse et la partie haute de cet océan il y a 500 années yani la distance est de 500 années et au-dessus de cela il y a Al-Kursi et au-dessus du Kursi il y a le trône d'Allah et Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône il y a dans cela l'attestation de l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de l'ensemble de ses créatures et qu'il est subhanahu wa ta'ala établi au-dessus de son trône qui est la plus grande des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. On avait vu le hadith dans les cours précédents que Al-Kursi était par rapport au Arsh comme une halqa qui était jetée dans un désert. Comme un anneau qui était jeté dans un désert. Donc, Al-Arsh, le trône d'Allah Azzawajal, est la plus grande de ses créatures, et c'est la plus élevée, celle qui est la plus haute. Il y a donc dans cela l'attestation de l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il est établi au-dessus de son trône. Il y a également dans ce hadith la preuve que les cieux et la terre sont gigantesques, sont immenses et gigantesques, et qu'il y a entre chaque cieux et chacune de ces créatures des distances qui sont immenses. Au shahid, ce qu'il faut retenir, c'est l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de toutes ses créatures et qu'il est subhanahu wa ta'ala établi au-dessus de son trône, comme le prouvent beaucoup de textes dans le livre d'Allah et dans la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith est faible, la version d'Abu Daoud et même les autres, de Tirmidhi, de Ahmad et autres, et la seule parole que j'ai entendue moi des savants, c'est un hadith mawquf de Abdullah ibn Mas'ud. C'est Abdullah ibn Mas'ud qui cite que la distance entre les cieux, entre le ciel, entre la terre et le premier ciel est de 500 années, et la distance qui sépare les chaque cieux est de 500 années. Il y a un athar de Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, que les savants considèrent comme étant bihukm al-marfu', comme ayant le jugement d'un hadith marfu'. Un hadith mawquf, c'est un hadith qui s'arrête au compagnon, c'est-à-dire, autrement dit, c'est une parole d'un compagnon. Et le hadith al-marfu', c'est celui qui arrive jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a certains hadiths qui sont mawquf, mais qui ont le jugement du marfu', qui sont mawquf, c'est-à-dire qui s'arrêtent au compagnon, mais qui, dans le jugement, ont le jugement d'un hadith marfu'. Autrement dit, ce sont des paroles que dit un compagnon qu'il ne peut pas dire de son propre chef. Et s'il a dit une parole comme celle-ci et que cette parole, effectivement, elle s'avère authentique jusqu'à ce compagnon, alors on peut en déduire très facilement que cela provient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ce sont des choses qui parlent de l'invisible, des choses dont les êtres humains n'ont pas connaissance, sauf si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation et qu'il l'ait ensuite transmise. Et j'ai un doute sur l'authenticité de la parole de Abdullah ibn Mas'ud. Il faudrait que je fasse des recherches poussées dessus pour savoir exactement ce que les savants ont dit sur le hasard de Abdullah ibn Mas'ud. Je n'ai pas trouvé de kalam de Cheikh al-Albani dessus. Mais si on se base uniquement sur les hadiths, Rajih, c'est que ce hadith est faible et qu'il ne doit pas être pris en considération. Et reste maintenant la parole de l'athar de Abdullah ibn Mas'ud, que Cheikh Al-Uthaymeen lui considère comme authentique, et il utilise justement ce hadith pour dire que la distance qui sépare la terre des cieux du premier ciel est de 500 ans, etc., etc., et pour montrer également qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus, est établi au-dessus de son trône, est à une distance extrêmement grande, et malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala, qui est capable de toutes choses, sait ce que ces créatures font, chacune de ces créatures, quelle que soit celle-ci, quelle que soit sa taille, Allah azza wa jal est parfaitement connaisseur de ses moindres faits et gestes. فهذا وما أشبه قال المؤلف فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله ولم يتعرض لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله ولم يعترض لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. Donc l'Ibn Qudaym a dit, et ceci est tout ce qui est similaire font partie des choses sur lesquelles il y a l'unanimité des pieux prédécesseurs, qu'Allah leur fasse miséricorde, sur le fait de rapporter ces textes, de les accepter, et le fait qu'aucun d'entre eux ne les a rejetés, ne les a interprétés, ne les a fait ressembler à Allah subhanahu wa ta'ala, ni n'a fait en sorte qu'ils étaient semblables. قال الشيخ الفوزان هذا الذي ذكره المؤلف من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لإثبات الصفات لله جل وعلا مما أجمعت الأمة على نقله وقبوله وعدم التعرض له بالتأويل أو بالتشبيه بل قبلوه كما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشكوا في ذلك ولم يتدخلوا بأفهامهم وعقولهم ولا يقيسون الله جل وعلا بخلقه. Donc Cheikh Fawzan dit ce que rapportait l'auteur comme verset du Coran et comme hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour attester des attributs d'Allah azza wa jal font partie des choses sur lesquelles la communauté est unanime et a accepté. Et aucun d'entre eux n'a interprété ces hadiths ni a fait ressembler ce que le prophète sallam ou ce qu'il a dans ses versets et dans ses hadiths, aucun n'a fait ressembler ces attributs aux attributs de ces créatures, mais ils les ont acceptés comme cela est venu d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire dans les versets, et comme cela est venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire dans les hadiths. وَلَمْ يَشْكُوا فِي ذَلِكَ, ils n'ont pas eu de doute sur cela, et ils n'ont pas rentré leur compréhension ni leur raison, et n'ont pas comparé et n'ont pas fait une analogie entre Allah subhanahu wa ta'ala et ses créatures. بَلْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ اللَّهَ أَعْظَمُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَلَا يُقَاسُ بِخَلْقِهِ فَيُقَالُ هَذِهِ الصِّفَاتُ مَوْجُودَةٌ فِي الْمَخْلُوقِينَ فَإِذَا أَثْبَتْنَاهَا لله فقد شبهناه بالمخلوقين كما تقوله المعطلة تعالى الله عن ذلك. Bien au contraire, les salafs avaient pour croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala était plus grand que toute chose et qu'il ne pouvait donc pas être comparé à ses créatures. فيقال هذه الصفات موجودة في المخلوقين. Il ne disait pas que ces attributs étaient présents chez les créatures, et si nous les attribuons à Allah, alors nous avons fait ressembler à Allah à ces créatures, comme le disent al-Mu'attila. بل نقول القاعدة العظيمة أنه لا تشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوق كما أنه لا تشابه بين ذات الخالق وذوات المخلوقين وأن مجرد الاشتراك في الألفاظ والمعاني لا يدل على التشابه. Nous disons bien au contraire qu'il y a une règle très importante, à savoir qu'il n'y a pas de ressemblance entre les attributs du Créateur et les attributs des créatures, et que de la même façon qu'il n'y a pas de ressemblance entre l'essence du Créateur subhanahu wa ta'ala et l'essence de ces créatures, et que le simple fait qu'ils aient un nom commun, le fait que ces attributs sont utilisés par des mêmes termes qui ont des mêmes sens, cela ne prouve pas qu'il y a une ressemblance dans la réalité et dans le comment. Vous avez compris ou pas? C'est clair ou il faut expliquer? Il faut expliquer. Et Cheikh Fawzan dit qu'il y a une règle qui est importante, c'est à savoir que les attributs des créatures ne ressemblent pas aux attributs du Créateur subhanahu wa ta'ala. Et que comme l'essence d'Allah azza wa jalla ne ressemble pas à l'essence de ses créatures, et bien de la même façon, les attributs d'Allah ne ressemblent pas aux attributs de ses créatures. Et le fait que Allah azza wa jalla et ses créatures ont des attributs qui ont le même nom et qui ont le même sens, cela ne veut pas dire qu'ils sont équivalentes réellement et qu'ils se ressemblent. C'est clair? Et c'est que les noms. Quand on dit Rafour, par exemple, ou As-Sam', la vue, c'est un mot qui est connu. Et on parle de Sam' quand on parle de l'attribut d'Allah Azza wa Jal, mais on parle aussi de Sam', de oui, quand on parle de l'attribut d'un être humain. On dit il a une oui, et on dit Allah Azza wa Jalla a une oui. On sait tout ce que le mot oui signifie. Mais est-ce que le fait que le mot soit le même et que le sens soit le même veut dire que l'oui d'Allah est comme l'oui de ses créatures? Non. فمن عرف هذه القاعدة وفهمها فإنه لا يشكل عليه أي شيء من آيات الأسماء والصفات وإنما يقع الإشكال لمن لم يفهم هذه القاعدة ولم يعرفها. Et donc celui qui connaît cette règle et l'a comprise, alors plus rien ne sera problématique pour lui dans les versets qui qui parle des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais celui qui trouvera des difficultés et des problématiques est celui qui n'aura pas compris cette règle et n'aura pas pris connaissance. Il connaîtra alors des doutes et des ambiguïtés. أما من عرف هذه القاعدة وهي الفرق بين الخالق والمخلوق والفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق فإنه لا يقع عنده أدنى شك في إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه الله عن نفسه والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله جل وعلا ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Quant à celui qui connaît cette règle, et à savoir de différencier entre le créateur et la créature, et de différencier entre les attributs du Créateur et ceux de la créature, il ne connaîtra aucun doute, ne serait-ce qu'un doute minime dans le fait d'attester à Allah ce qu'il s'est attesté lui-même, et de nier à Allah ce qu'il s'est nié lui-même, ou ce et que le prophète transmet de la part d'Allah Azzawajal. Et autrement dit, que le jugement que l'on applique sur les versets des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, on l'applique également sur les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. والسلف رووا هذه الأدلة قرأوها وحفظوها وتناقلوها ولم يقع عندهم إشكال وتساؤلات مما دل أنها على ظاهرها وعلى مدلولها وأنه يجب إقرارها وإمرارها من غير تعرض لمعناها بالتأويل أو بالتشكيك أو غير ذلك مما يقع من الخواطر النفسية أو ما يلقيه الشياطين الإنس والجن ليضل عباد الله ويصرفوهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم. Et les salafs, rahimahumullah, ont rapporté toutes ces preuves, les ont lues, les ont appris, les ont transmises entre eux, et il n'y a eu chez eux aucune problématique, car mimma dalla ala annaha ala zahiriha, ce qui prouve qu'ils considéraient tous ces textes comme ils ont été rapportés, c'est-à-dire qu'ils acceptaient ces textes et les lisaient comme ils ont été rapportés, sans s'attarder sur leur sens, ni sur leur interprétation, ou sur le fait de les remettre en cause, car ceci fait partie de ce que insufflent les diables parmi les djinns et les êtres humains, afin d'égarer les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala et les dévier du livre de leur Seigneur et de la sunna de leur prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fal Qur'an fi ghayat al bayan wa ghayat al fasaha wa as-sunnah fi ghayat al bayan wa ghayat al fasaha la yurad minhumā غير ما يظهر من ألفاظهما ولو كان يراد من أدلة القرآن والسنة غير ما يظهر من ألفاظهما لكان القرآن والسنة فيهما تضليل للناس والله أنزل القرآن والسنة لهداية الناس ولم ينزلهما لتضليل الناس وحمل الناس على أن يعتقدوا خلاف ما تدل عليه هذه النصوص فهذا وصف للقرآن والسنة أنه تضليل للأفهام والعقول ولذلك احتاجوا إلى التأويل وإلى التحريف وهذا اتهام لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بعدم الوضوح وعدم البيان وعدم الهداية. Et ensuite, Cheikh Fawzan dit, le Coran est venu de façon explicite. Il est venu même pour expliquer d'une façon parfaite. C'est le summum de l'explicité. Et c'est le summum de l'éloquence. Pareil pour la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est venue de façon très claire et très éloquente. Et il ne peut être voulu du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam que ce qui en apparaît. وَلَوْ كَانَ يُرَادُ مِنْ أَدِلَّةِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ غَيْرَ مَا يَظْهَرُ مِنْ. Et si il avait été voulu dans les versets du Coran et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam autre que ce qu'il n'en apparaît, alors le Coran et la Sunna seraient des textes qui dévierait les gens de la vérité et égarerait les gens. Autrement dit, le Coran est explicite, est éloquent. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est explicite et éloquente. Si l'on devait comprendre du Coran et de la sunna ce qui n'apparaît pas à premier abord, est-ce que le Coran aurait guidé ou est-ce qu'il aurait dévié? S'il fallait toujours comprendre ou essayer de chercher un sens caché dans les versets, dans les hadiths, la plupart des gens, est-ce qu'ils connaissent ces sens cachés? Non. Wallahu la yahdi al-qawm al-kafirin, Allah ne guide pas les peuples mécréants. C'est quelque chose qui est clair, qui est explicite. On n'a pas à chercher un sens caché. On n'a pas à chercher un sens caché. Et c'est ce que Cheikh Al-Fawzan dit, à savoir que le Coran est explicite et éloquent. Pareil pour la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour cela que les salafs prenaient ces versets et ces hadiths comme ils ont été révélés, comme le Coran a été révélé et comme les hadiths ont été transmis, sans essayer de trouver des interprétations qui sont la plupart du temps la cause de l'égarement de beaucoup de gens. فيجمعهم على ذلك دليل على أنهم على أنهما على ظاهرهما وأنه يجب اعتقاد ما دل عليه وإن لم يكن الكتاب والسنة للهد وإلا لم يكن الكتاب والسنة للهداية وإنما كان للتضليل على حسب زعم هؤلاء الذين شككوا في هذه الأدلة وراحوا يؤولونها ويصرفونها عن مدلولاتها حتى تتوافق مع أهوائهم. Et l'unanimité des salafs prouve que le Coran et la Sunna doivent être compris comme le sens apparent, car si ce n'était pas le cas, alors le Coran et la Sunna ne seraient pas une guidée mais un égarement. Il ne faut donc pas faire comme ceux qui essaient de remettre en cause ces preuves et qui les interprète et qui donne des sens contraires aux sens dans lesquels sont venus ces versets et ces hadiths, et ceci pour satisfaire leur passion et que ce qu'ils prétendent ou ce qu'ils disent soit en concordance avec ce qu'ils ont compris. والواجب عليهم أن يتهموا عقولهم وأفهامهم ولا يتهموا الكتاب والسنة لأن عقولهم وأفهامهم هي محل الاتهام ومحل النقص. أما الكتاب والسنة فإنهما تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فأي بيان وأي دلالة وأي فصاحة أبلغ مما عليه الكتاب والسنة لو كانوا يعقلون. Cheikh Al-Fawzan dit, et ce qui est obligatoire vis-à-vis d'eux, à savoir vis-à-vis de ceux qui interprètent les versets et les hadiths traitant des noms et des attributs d'Allah Azzawajal, c'est de remettre en cause leur raison et leur façon de comprendre et de ne pas condamner le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ce sont leurs raisons et leur compréhension qui sont condamnables et qui sont source de mahallu naqs, qui sont source de manquement, qui sont source de manque quant au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des révélations qui proviennent du sage et du digne de louange. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, « La yatihi al-batilu min bayni yadayhi » Le mal ne vient pas devant lui, « Wala min khalfi » ni derrière lui, « Tanzilu min hakim min alim » C'est une révélation de la part du sage et du digne de louange. Quel est donc, y a-t-il donc quelque chose de plus explicite, quelque chose qui a une force de preuve et de plus éloquent, y a-t-il quelque chose de plus éloquent que ce qu'il y a dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallam, si seulement il raisonnait? فالواجب على العبد أن يسلم لكلام الله أن يسلم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وإذا أشكل عليه شيء فليتهم عقله ويتهم فهمه ولا يتهم النصوص بالتقصير أو بالغموض أو بغير ذلك من الاتهامات. Il est donc obligatoire pour chaque serviteur de se soumettre à la parole d'Allah, à la parole de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsque quelque chose le dérange et le trouble et lui pose des problèmes, alors qu'il remette en cause sa raison, qu'il remette en cause sa façon de penser et sa compréhension, et qu'il ne condamne pas et qu'il ne remette pas en cause ou qu'il ne traite pas les textes comme contenant des manquements ou comme étant confus ou autre chose ou toute autre accusation. ويقول إن القرآن والسنة ظواهر لفظية لا تفيد اليقين وإنما الذي يفيد اليقين القواعد العقلية المنطقية كما يقوله المنحرفون فهذا انحراف عن الحق إذا لم تحصل الهداية بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبماذا تحصل؟ Et d'autres disent que le Coran et la Sunna ne sont que des termes qui ont leur sens apparent, mais qui ne prouvent pas la certitude. À savoir, ce sont des termes qui sont utilisés, qui peuvent avoir plusieurs sens, mais tout ceci n'apporte pas de certitude. Et ils disent, oui, Nama, mais ce qui apporte certitude, ce sont les règles. Ou ce sont les règles rationnelles, ce qui est en rapport avec la raison. Tout ce qui est en accord avec la raison est une certitude, et ce qui ne l'est pas, n'en est pas. Comme le dit Cheikh Fawzan, كما يقوله المنحرفون, comme le disent les égarés, فهذا انحراف عن الحق, ceci est une déviation de la vérité. Et si la guidée n'est pas atteinte à travers le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors comment atteindre cette guidée et ce droit chemin ? Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Assalamu alaykum.